Comment diriez-vous il vient d'arriver? È appena arrivato. È appena arrivato. Bien. Dans la phrase il serait arrivé plus tôt si sa voiture avait démarré, comment diriez-vous il serait arrivé plus tôt? Sarebbe arrivato più presto. Sarebbe arrivato più presto. Oui, avec le verbe être, essere, comme plongeoir, comme en français avec le verbe arriver. Il serait arrivé. Sarebbe arrivato. Maintenant, dans la phrase « il le ferait si c'était possible », dites-moi « il le ferait » avec le « il » du singulier. Farebbe. Bien. Mais dites-moi la phrase en entier. Il le ferait. Lo farebbe. Lo farebbe. Oui, bien. C'est un conditionnel qui, comme son nom l'indique, est lié à une condition. On le retrouve dans des phrases comme « Si j'étais riche, je l'achèterais ». Et ses terminaisons sont « rei » pour « je ». Resti pour tu, reste pour le vous du vouvoiement, rebbe pour il ou elle au singulier, rebbero pour il ou elle au pluriel et remo pour nous. Comment diriez-vous maintenant il ne le ferait pas au pluriel? Non lo farebbero. Non lo farebbero. Oui. Et « je ne le ferai pas », toujours inconditionnel. Non lo farei. Non lo farei, c'est ça. Maintenant, toujours inconditionnel, mais cette fois avec plongeoir, comment dites-vous « je l'aurais fait » ? Lo avrei fatto. Lo avrei fatto, oui. Ou bien « l'avrei fatto ». Comment diriez-vous « je ne le ferai pas » toujours inconditionnel. Non lo farei. Non lo farei, absolument. Par contre, « je ne l'aurais pas fait » Non lo avrei fatto. Non lo avrei fatto, oui. Ou bien « non l'avrei fatto ». Maintenant, vous allez me dire « nous ne l'achèterions pas ». Pas parce que c'est trop cher. Non lo compremmo. Attention, au futur et au conditionnel, le son que l'on retrouve toujours et qui précède immédiatement l'endroit où on insiste à l'oral, c'est le R. Mais ce R, il faut savoir que c'est le R de l'infinitif. Or, certains verbes contiennent aussi un R autre que celui de l'infinitif. Dans notre exemple, nous ne l'achèterions pas, le verbe acheter se dit comment en italien? Comprare, compraremmo. Il y a une exception pour la formation du futur et du conditionnel. Ce sont les verbes en are, dont le a de la terminaison devient e. E, absolument. Non lo compreremmo. Non lo compreremmo. Parce que vous avez un verbe en are qui est comprare. C'est comme pour le futur. J'achèterai ne se dit pas comprarò, mais comprerò. Et c'est valable pour tous les verbes en are. Finissez la phrase, s'il vous plaît. Nous ne l'achèterions pas parce que c'est trop cher. Non lo compreremo perché è troppo caro. Non lo compreremo. Perché è troppo caro. Voilà. Maintenant, dites-moi, nous l'aurions acheté. Avrebbero. Nous l'aurions acheté. Avremmo. Presque. Avremmo. Bien. Avremmo comprarlo. Ah, je n'ai pas plongé. L'eau. Avremmo comprato. Voilà, vous êtes bien rattrapé, c'est ça qui compte. Revenons sur un conditionnel simple, son plongeoir. Il partirait au singulier. Comment diriez-vous ça? Partirebbe. Partirebbe. Oui, bien. Et maintenant, un conditionnel avec plongeoir. Il serait parti, toujours au singulier. Sarebbe partito. Sarebbe partito. Oui. Comment diriez-vous il achèterait avec le il du singulier? Lo comprerebbe. Bien, lo comprerebbe. Et il l'aurait acheté, toujours au singulier? Avrebbe. Il l'aurait acheté. Lo avrebbe comprato. Lo avrebbe comprato, c'est ça. Ou bien l'avrebbe comprato. Dans la phrase, même s'il le savait, il ne me le dirait pas, vous allez me traduire il ne me le dirait pas, avec un il au singulier. Non mi. Non. Non me lo direbbe. Bien sûr, oui. Non me lo direbbe. Il ne me le dirait pas. Maintenant, partez du plongeoir. Il ne vous aurait pas dit pourquoi. Avec un il au singulier et le vous du vouvoiement. Non le direbbe. Ah non, c'était aurait dit. Il ne vous aurait pas dit pourquoi. Non le avrebbe detto perché. Non le avrebbe detto perché. Bien. Il ne te l'aurait pas dit avec le il du singulier. Ça se dirait comment d'après vous? Non te lo avrebbe detto. Non te lo avrebbe detto. Oui. Ou bien non te l'avrebbe detto. Dans la phrase, d'après mes calculs, il arriverait bientôt. Dites-moi, il arriverait bientôt. Arriverebbe presto. Arriverebbe presto. Bien. Arrivare donne e. Arriverebbe. Vous ne vous êtes pas trompé. Comment diriez-vous maintenant « il serait arrivé il y a longtemps » ou, littéralement en italien, « cela fait beaucoup de temps »« molto tempo fa »« il serait arrivé il y a longtemps » « sarebbe arrivato molto tempo fa » Oui, « sarebbe arrivato molto tempo fa »